Sa mère au jean peut me faire de l'argent. L'amour la pense à rien d'autre. Mais je me ramollais, je suis tombé là. Fais le 911, je compte un gangster et tombé là. Hollywood, je me fais des films, je les yeux quand ouvert, je blâme. Oh god, non, je pars en rêve. La drogue est viscère, en fait, je tire une grosse tape. Oh god, je crois que je me ramollais. Fais le 911, je crois que ton gangster est tombé là. Je me ramollais, je suis tombé là. Fais le 911, je crois que ton gangster est tombé là. Là, là, là, là, là. Sur des lèvres enchantées de revivre mon lifestyle. J'ai que sur des tasses dans le palais. Pour toi je pourrais même revendre des pêches. Pour toi je pourrais même parler au cœur. Non je mens. Pour toi j'ai